un dimanche après-midi, le soleil joue sur le tapis. Vas-tu partir ou bien rester? As-tu envie ou peur d'aimer? Rien ne se fait en un seul jour, et tu ne sais pas qui je suis. Il faut du temps pour faire l'amour. Si tu restais passer la nuit, trouver le calme après l'amour, trouver le calme après l'amour. C'est un dimanche après-midi, le soleil joue sur le tapis. De ton désir à mon désir, tu sais que c'est un long voyage. Si tu veux trouver le plaisir, il faut repousser les images. Surtout ne ferme pas les yeux, il faut me voir tel que je suis. Ne sombre pas seul dans la nuit, où l'on oublie que l'on est deux. Trouver le calme après l'amour, trouver le calme après l'amour. C'est un dimanche après-midi, on se découvre sur le tapis. Repose-toi sur la tendresse, et si tu laisses aller ton corps, elle t'apprendra les vraies caresses, des baisers fous au souffle d'or. Voilà, tu es tendre et câline, oh je t'aimerai très longtemps. Je sens tes caresses marines, comme une voile se gonfle au vent. Trouver le calme après l'amour, trouver le calme après l'amour. C'est un dimanche après-midi, nos corps se nouent sur le tapis. C'est un dimanche après-midi, nos corps se nouent sur le tapis.